Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Robin va retrouver ses anciens amis du club de basketball. Ils vont avoir un match. Samedi soir, on va sortir avec nos amis. On va aller en boîte pour danser. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes sportif? Oui, on peut dire ça. Robin fait du tennis le mercredi. Moi, je fais de la gym tous les matins et je nage ou je fais du jogging une ou deux fois par semaine. Est-ce que vous aimez les sports d'hiver? Oui, on adore ça. Robin fait du snowboard. Moi, je fais du patinage. Vous faites du sport pendant les vacances? Oui, bien sûr. On nage et on fait de la planche à voile. On marche beaucoup. Vous vous intéressez à la musique? Oui, on aime toutes les musiques. On a une belle collection de CD.